Kim Son, administrateur du conseil du fonds Kim Il-sung, Kim Jong-il, est arrivé le 2 mai à Pyongyang par train.